con los terroristas. Tous ces flancos, soldats, vétérans, quotas, vénères, nasse-croix, fraîches. Laissez passer les taillas, protéger, rentrer les chatons, la rue passe en mytho. Sans télé, sans radio, sans télé, pendez-les, pendez-les. Où est court, ces mecs sont dingues, lions dans la jungle. Ils rêvent tous de flinguer mon gang. Soumets-les, soumets-les, parlez à pas, soumets-les. Le rap en Baltimore, résonne de blanc coq à Baltimore. Man, je t'écoute bien qu'on m'attend, je serai jamais ce combattant. La vie est une bataille, on peut connaître quelqu'un qu'on le combattant, qui faut faire, on le fait.